Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le soutien à Ibrahim Traoré porte déjà ses fruits. Après, bien sûr, le soutien de la population à travers la mobilisation du côté de Ouagadougou. Il y a de cela quelques heures, les relations diplomatiques avec la Corée du Nord semblent revenir donc à point. Alors qu'Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir le 30 septembre 2022, le chef de la transition s'est donné pour cheval de bataille de faire reculer le terrorisme. Pour cela, il a décidé de diversifier ses alliances, dont sont toutefois se séparer de celles qui ne marchaient pas. Alors qu'il entame son sixième mois à la tête de la transition, le gouvernement a examiné et approuvé il y a quelques jours la nomination d'un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée à Ouagadougou. La reprise des relations avec la Corée du Nord est donc effective et cette relation bilatérale va certainement permettre au Burkina Faso de se parfaire dans plusieurs domaines, à l'instar de la sécurité, à travers l'octroi d'équipements matériels militaires, afin de faire reculer le terrorisme. Voilà qui fera l'objet de notre émission de ce jour. Nous parlerons également en deuxième partie de la situation qui s'enlise du côté du Soudan, où 500 morts ont déjà été enregistrés au moment où le conflit se poursuit entre les deux généraux et est désormais à sa troisième semaine. À tout de suite. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue sur la télévision panafricaine pour une autre édition de votre émission Appel sur le continent. Et donc aujourd'hui on parle du Burkina Faso. Hier nous parlions du Burkina Faso avec la mobilisation populaire qui s'est faite du côté de Ouagadougou en guise de soutien au président de la transition, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui nous poursuivons donc dans le même registre mais cette fois pour parler des alliances qui se lie ou alors se noue de plus en plus dans son entretien donné à la télévision nationale il y a de cela quelques jours. Il a donc parlé de diversifier ses alliances, la Russie, la Turquie, et désormais on parlera aussi de la Corée du Nord qui a donc décidé de reprendre ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso. On va dire que ça tombe au moment où le pays en a le plus besoin, où le terrorisme gangrène dans le pays, et le président de la transition depuis son arrivée en septembre dernier s'est donc donné pour cheval de bataille, on le disait tout à l'heure, d'éradiquer le terrorisme. Et pour en discuter, nous avons donc en direct Issa Diawara, à qui nous disons bonsoir. Oui, bonsoir à vous madame, bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir à tout le continent africain et à tous les Africains. Et merci pour cette invitation. Ok. Alors, Issa Diawara, on va dire que la relation entre le Burkina Faso et la Corée du Nord semble reprendre de plus belle. Il y a de cela dans quelques semaines, on a annoncé l'installation ou alors l'arrivée de l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée du côté de Ouagadougou. Oui, bon, ça s'annonce bien, hein, de toutes les façons, quand vous... Quand le pays décide d'affirmer sa souveraineté, de conquérir, d'affirmer sa souveraineté, et essayer de bâtir à partir, bien sûr, de la souveraineté retrouvée, ça donne lieu à cela. Qui peut oser, qui oserait espérer, il y a deux ans de cela, qu'au Burkina Faso, on osera tendre la mer à la Corée du Nord à nouveau, à tel point de recevoir, en tout cas, l'ambassade de la Corée du Nord du côté du Burkina Faso. C'est un fait rare. Personne ne pourrait espérer cela tant que Blaise Compaoré était au pouvoir, tant que Marc Christian Kabore Roch était au pouvoir. Ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable. Il a failli que le peuple du Burkina s'approprie, bien sûr, du pouvoir. C'est pourquoi nous avons dit que tout part, bien sûr, de l'outil politique, parce que c'est là qu'on prend les décisions. C'est là qu'on nomme les hommes clés, c'est là qu'on peut choisir des hommes clés. Sans cela, ça ne va rester peut-être que du bavardage. Et aujourd'hui, à la tête du Burkina Faso, vous avez un jeune capitaine, et le président Ibrahim Traoré, qui n'a aucun complexe, et qui ne se plie à rien. Et tout ce qu'il voit, c'est l'intérêt suprême du peuple du Burkina. Et dès récemment, il a fait une interview qui va dans ce sens. Il est revenu, bien sûr, sur cette question de la Corée du Nord. Il dit qu'à présent, dans l'armée du Burkina, il y a beaucoup d'armes qui viennent de la Corée du Nord. Et puis, leur coopération qui date d'il y a déjà plus de 30 ans. Et malgré cela, ils ont gardé des armes lourdes, données bien sûr par la Corée du Nord. Donc, il est très normal de renouer cette coopération et bien sûr, évidemment, pour essayer peut-être cette fois-ci de monter des grains. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne va pas peut-être assister simplement à une coopération militaire, mais il faudra s'attendre aussi du fait qu'il pourrait avoir des instructeurs de la Corée du Nord sur le terrain. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé la reprise de ces relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République de Corée, ou alors la Corée du Nord? Ok, madame, ce qui a motivé cela, c'est d'avoir l'échec de la France-Afrique, ça il faut le dire clair et net. Parce que pourquoi cette relation avait été suspendue d'ailleurs? Parce que ça existait au temps du président Isidore Thomas Sankara. Qu'est-ce qui avait mis fin à ça, lui aussi qui était capitaine? C'est le fait que ce dernier a été renversé. Renversé pourquoi? Parce qu'on le trouvait de plus en plus proche du guide Muammar Kadhafi du côté de la Libye, qui était un peu à l'époque, dans les années 87, une personne non grata dans le bloc, au sein du bloc occidental. On l'accusait d'être proche de qui d'autre encore? D'être proche, bien sûr, de l'Union soviétique, et d'être proche des Chinois, et d'être proche un peu des plus de nations qui ne sont pas forcément dans les giron occidental ou des nations qui s'opposent à l'hégémonie occidentale sur le monde. Donc, le capitaine Thomas Sankara a été froidement abattu et qu'il a succédé un frère africain, à partir d'ailleurs qui va abriter tout ce qu'on a appelé danger de la France ici. N'oubliez pas que les rebelles qui sont partis déstabiliser le régime du président Laurent Gbagbo sont partis de chez Blaise Compaoré dans leur grande majorité. Ça, c'est un point important qu'il faut retenir. Des rebelles qui ont déstabilisé le nord du Mali, après avoir quitté la Libye, même quand il y a eu affrontement entre les rebelles au nord du Mali, les blessés ont été évacués chez Blaise Compaoré. Quand il y a eu prise de pouvoir par les militaires en 2012 au Mali, celui qu'on a ramené, celui que la CEDEAO a imposé au pouvoir, s'est trouvé au moment des faits, bien sûr, du côté de Ouagadougou auprès de Blaise Compaoré. Donc, évidemment, Blaise Compaoré avait fait suspendre cette coopération entre la Corée du Nord, que les Américains ne veulent pas voir, entre la Corée du Nord, bien sûr, et le Burkina Faso. Il a failli que le régime franc-africain montre ses limites. 23 ans après, qu'est-ce que le Burkina a gagné sous Blaise Compaoré? Concrètement, si vous voyez les images, pas grand-chose. Et si les 23 ans avaient été confiés au capitaine Isidore Thomas Sankara, est-ce que le Burkina n'allait pas faire un bon de plus de 10 fois, fois 10, la réponse évidemment c'est oui. Après Blaise Compaoré, qui est venu voir l'un de ses anciens ministres, Roch Marc Christian Kabore, et lui aussi là encore ça stagne. N'oubliez pas comment ces derniers, face à une crise, face à une crise terroriste, n'a pas hésité à courir répondre à la convocation de Macron au niveau de Pau. Il était accompagné de l'autre là, Ibrahim Boubacar qui était du Mali, et tous ses autres chefs d'État. Donc là, ça n'allait pas. La coopération avec la France n'a pas marché. Il y a un manque de résultats. Les armées du Mali, du Burkina sont cessées de reculer. Face à cela, les populations étaient dans leur droit de se soulever, de revendiquer autre chose. Face à la revendication persistante et des populations, évidemment, l'armée qui reste le dernier rempart est pour sauvegarder, bien sûr, la dignité, en tout cas l'intégrité territoriale d'un pays. Et l'armée est entrée dans la danse. Et là, ce n'est pas un coup d'État comme la France veut faire croire. Il s'agit d'une révolution. Comme toute grande révolution, c'est l'armée qui est au bout de la révolution. Au Cuba, nous avons vu comment Fidel Castro et ses hommes sont venus jusqu'à prendre le pouvoir contre Batista. Donc, ça ne devrait pas être l'inverse au niveau de l'Afrique. Parce qu'au niveau de l'Afrique, quand vous prenez les militaires, entrent dans la danse. Or, et ce sont des citoyens aussi. Prendre le pouvoir, bien sûr, quand ça ne va pas dans l'intérêt de la France, c'est un coup d'État, c'est un putsch, c'est un chef. c'est de la gente, c'est de quelque chose qu'il faut recommander. Mais quand c'est dans l'intérêt de la France, bien sûr, on ira introduire Déby Junior au niveau de N'Djamena. Ça ne va pas poser problème tant que les intérêts, bien sûr, de la France sont sauvegardés. C'était le cas avec François Bozizé, qu'on a accompagné au niveau de Centrafrique, contre Anne-Philippe Patassé, pourtant, que les Français même avaient amené au pouvoir. Donc aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé à cela? Évidemment, c'est l'échec de la France-Afrique. Et on dit, il y a un proverbe qui le dit, je ne me lasse jamais de dire ce proverbe, quand on se noie, on s'accroche à tout, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il a failli pour les États comme le Mali, comme le Burkina? Il faut maintenant voir d'autres partenaires. Puisque avec, je reviens sur les propos du capitaine Ibrahim Traoré, chef d'État du Burkina, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'ils ont cherché à acheter les armes avec les Occidentaux, mais les Occidentaux ont refusé de leur vendre des armes. Mais les Occidentaux continuent de chanter que le problème au niveau du Sahel, c'est les terroristes. Mais voilà que lui, il arrive au pouvoir et il demande tout simplement aux Occidentaux de vendre des armes, pas qu'ils donnent gratuitement, mais qu'ils leur vendent des armes pour combattre les terroristes. Les Occidentaux refusent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent, ils vont chercher d'autres partenaires. Les Russes, notamment les Nord-Coréens actuellement, les Occidentaux crient sur tous les toits du monde, à commencer par le président du Ghana, assisté par Ambalo, que non, ils sont allés chercher Wagner. Ils sont allés chercher Wagner, venu faire des massacres et autres. Mais c'est là où on ne comprend pas. Finalement, qui est pro-terroriste, qui n'est pas pro-terroriste? Non seulement vous avez les armes qui peuvent combattre les terroristes, vous ne voulez pas les vendre. Au même moment, les Occidentaux sont en train de livrer des armes à ciel ouvert à l'Ukraine. Comme si l'Ukraine a le droit à se défendre, mais les États africains n'ont pas le droit à se défendre. Et quand les États africains se tournent vers d'autres partenaires, et là encore, les Occidentaux commencent à pleurer, commencent toutes les combines, commencent à créer surtout les toits, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous déchaîner les barbares qu'ils ont chez eux, les chiens méchants tels les Ambalo Sissoko et autres. Et donc, aujourd'hui, la Corée du Nord fait partie des partenaires, bien sûr, que le Burkina est allé chercher et le Burkina a remis avec pour des résultats, c'est-à-dire sur le terrain, là où la France-Afrique a échoué pendant plus de 3 décennies, il faut essayer, parce que si le Burkina est envoyé comme ça, le Sahel est envoyé comme ça, c'est à cause de l'intervention occidentale en Libye. Ça, il ne faut jamais oublier. Ils ont intervenu en Libye, ils ont fait déchaîner leur horde de terroristes dans le Sahel. Et ces terroristes ont été armés en Libye pour renverser Kadhafi, n'oubliez pas. Qui a parachuté les armes à ces terroristes dans les Djebel Nefoussa en Libye? Mais ce sont les mêmes Occidentaux qui ont inventé un prétexte. Ils avaient parlé d'exclusion aérienne. Ensuite, c'est devenu, il faut assassiner le président de l'équipe de la Libye. Et ensuite, ils font déchaîner les terroristes au Sahel pour d'autres ambitions, pour se donner des raisons d'avoir des bases militaires au niveau du Sahel et contrôler, bien sûr, les ressources de ces pays et contrôler ces pays. Évidemment, face à des massacres, face à des morts répétées, ces pays n'ont eu autre choix que, bien sûr, de tourner et d'aller chercher d'autres partenaires, au rang desquels vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez la Chine, vous avez la Corée du Nord et d'autres partenaires aussi. Merci. Issa Diawara, on va dire que le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son entretien donné à la télévision nationale RTB, a indiqué que son pays avait besoin d'armes lourdes, il faudra le rappeler, pour lutter contre le terrorisme. Et il a donc affirmé que la Corée du Nord comme la Russie peut servir les intérêts du Burkina Faso, notamment dans les domaine de la sécurité et du développement. Ceci après, bien sûr, tel que vous l'aviez dit, que la France et aussi l'Occident ont refusé de donner des armes voilà, aux civils ou alors de vendre les armes au Burkina Faso, tel que vous l'avez annoncé il y a donc quelques secondes, Issa Diawara. Madame, j'aimerais qu'on situe les choses dans leur contexte. Nous sommes à un moment où le monde est dans un basculement géopolitique, géostratégique très important. Il y a de nouvelles alliances qui sont en train de se mettre sur pied. Et ce n'est pas qu'au niveau des BRICS, même au niveau de l'Afrique, beaucoup d'États sont en train de varier leurs partenaires, beaucoup d'États sont en train de changer leurs partenaires. Et donc, quand, si vous prenez l'histoire de l'humanité dans son ensemble, à chaque fois qu'il a été question bien sûr, est d'un basculement géopolitique. Bien sûr, cela ne va pas sans beaucoup de couacs. Souvent, on a assisté même à des guerres terribles. Ce que nous voyons aujourd'hui au niveau du Sahel, cette guerre contre le terrorisme ou cette guerre des terroristes contre des États d'Afrique, bien sûr, cela s'inscrit dans le cadre d'un basculement géopolitique. Il y a une rupture voulue par certains États africains, il y a un désir fort de souveraineté exprimé par certains États africains, et lesquels États pensent aujourd'hui, et lesquels États aujourd'hui sont à leur droit de trouver des partenaires qui puissent répondre à leurs ambitions. Est-ce aujourd'hui les partenariats classiques, les partenariats imposés que ces États africains avaient bien sûr avec la France et le bloc occidental leur permet de s'armer? La réponse évidemment c'est non. Si vous prenez l'histoire du Burkina depuis Yaméogo et jusqu'à le capitaine Traoré aujourd'hui, vous n'avez pas moins de 4-5 coups d'État. Toute l'histoire est jalonnée de coups d'État. Pourtant, à la tête de l'État, il y a plusieurs hommes qui sont succédés, qui n'aspiraient peut-être qu'à la volonté, à la souveraineté du peuple du Burkina Faso. Face à cela, pourquoi on parle des armes lourdes aujourd'hui? C'est pourquoi je suis revenu dans le contexte actuel. N'oubliez pas, les armes lourdes, ce n'est pas pour nettoyer les petits terroristes qui se trouvent dans des zones rurales. Des armes lourdes, c'est pour répondre, faire face, bien sûr, à des menaces beaucoup plus importantes. Et au niveau du Sahel aujourd'hui, la France est un peu faible. Si la France est un peu faible, il y a le papa de la France qui veut venir apporter assistance à son enfant. Qui est-ce? Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Et si les États-Unis doivent arriver, sont même arrivés, dites-vous, ce n'est pas les mêmes armes que la France offre aux terroristes, mais les terroristes montent aussi en capacité militaire. Et pour cela, le Burkina Faso, bien sûr, a le droit aujourd'hui de se tourner vers des partenaires qui ne peuvent non pas vendre uniquement des Kalachnikov, des armes individuelles, des armes légères, mais bien sûr, des armes lourdes qui peuvent faire mouche, parce qu'il faut se rehausser, il faut être au-delà, bien sûr, des nouveaux partenaires des terroristes. N'oubliez pas que le Niger dont il est question, le Niger aujourd'hui transformé en une base avancée de l'OTAN, où vous avez presque toutes les forces de l'OTAN. Vous trouverez là-bas des Allemands, des Anglais, des Français, des Américains, et tout le monde, les Estoniens, les Lettoniens, vous allez trouver tout ce beau monde du côté du Niger. Donc on est en train de transformer le Niger en une grande base avancée de l'OTAN, comme c'est le cas d'Israël du côté du Moyen-Orient. Donc, aujourd'hui, les États du Mali, du Burkina et d'autres États, n'oubliez pas, même l'Algérie a augmenté son budget militaire, ses dépenses militaires. Il y a des ennemis de plus en plus importants qui arrivent en Afrique. Et ces ennemis sont chapeautés par qui? Ils sont chapeautés par les États-Unis eux-mêmes. Donc la France n'a aujourd'hui pas... La France elle-même manque des armes lourdes. La France n'a que 118 canons César. Elle en a livré à peu près plus de 30 à l'Ukraine. Elle-même, ce qui reste pour la défense du territoire français est très infime. Elle peut continuer à aider les terroristes. Mais aujourd'hui, au prix où et au rythme où les armées du Mali et du Burkina sont en train de monter en puissance, les terroristes là deviennent presque insignifiants. Et pour parler à toutes les éventualités, pour pallier à tout, pour éviter toute surprise, bien sûr, il faut se tourner vers des armes lourdes. Les armes lourdes que possèdent des États comme la Corée du Nord, qui ont les mêmes armes dressées contre les bases américaines, prépositionnées au niveau de la Corée du Sud, au niveau du Japon, contre la Corée du Nord, contre la Chine. Ce sont les mêmes armes qui se trouvent de l'autre côté, qui vont juste se déplacer au niveau du Sahel. Évidemment, nous ne souhaitons pas que les États-Unis viennent transformer le Sahel dans ce qu'ils ont voulu, dans ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, en un champ de bataille entre eux et l'autre bloc. Mais bien sûr, qui veut la paix prépare la guerre. Il faut éviter aussi d'être surpris. Il faut éviter de voir son président se faire capturer un bon matin, comme les Américains l'avaient fait au président du Panama. Il faut éviter de voir son président se faire égorger et se faire pendre un bon matin, comme les Américains l'ont fait à Saddam Hussein, un matin bien sûr d'une fête de Tabaski. Donc, pour éviter tout cela, bien sûr, il faut se préparer à toutes les éventualités. Il faut se préparer. Si la Corée du Nord a réussi à imposer une dissuasion face aux Américains, à se doter des armes jusqu'aux armes nucléaires, il n'y a pas de raison que des États en Afrique ne puissent pas travailler dans ce sens. C'est juste une question de temps, une question de volonté politique et bien sûr une question de souveraineté surtout. Merci. avons l'autre invitée, Linda Larbaoui, qui nous a rejoint. Bonsoir Linda, on parle donc du Burkina Faso, qui a décidé de reprendre ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Et le chef de la transition, à qui la population manifestait son soutien hier, a donc affirmé que la Corée du Nord a d'énormes capacités, raison pour laquelle ils ont décidé de se retourner vers ce pays avec qui ils nouaient déjà de grandes relations il y a de cela quelques années. Il a même déclaré que jusqu'à présent, le Burkina utilise les armes de la Corée du Nord, des armes données par la Corée du Nord depuis 1985. Bonsoir, bonsoir à vous et à toute l'équipe d'Afrique Média, bien sûr, à mon frère Issa Diawara et tous nos téléspectateurs. C'est une bonne chose et ça fait déjà quelques mois qu'il y a des négociations. Ils sont arrivés à des accords aussi, à des échanges d'ambassadeurs aussi. Donc il y a une avancée dans ce dossier, une très, très grande avancée. Que représente la Corée du Nord dans ce monde? Il y a une chose qui est certaine, la Corée du Nord n'a jamais fait partie du monde unipolaire qui concerne les États-Unis et leurs alliés. La Corée du Nord est restée un modèle réellement non aligné au bloc américain. Ils sont restés dans leur monde, ils ont refusé ce monde-là après la chute de l'Union soviétique et ils se sont développés grâce à la Chine et à la Russie. Donc la Corée du Nord est un symbole de la résistance et une véritable résistance. C'est un pays qui s'est refermé sur lui-même et qui a réussi son coup, puisque c'est un pays qui se suffit à lui-même à beaucoup de niveaux. Et ses seuls alliés, les véritables alliés qui peuvent et qui ont intervenu pour l'aider, c'est la Chine et la Russie. Ça, c'est un bon point. Et il faut comprendre aussi c'est quoi la politique de la Corée du Nord. C'est pas uniquement le pays qui fait face aux États-Unis. C'est un pays qui a résisté à tout ce qui est néolibéral, à tout ce qui est le monde unipolaire et puis le monde que les États-Unis nous ont imposé depuis 1991. C'est ça la Corée du Nord. Et puis ce qui est bien aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui s'ouvre vers l'Afrique. Il s'ouvre vers l'Afrique parce que le monde unipolaire s'est effondré. Il s'est effondré quand la guerre en Ukraine ou l'opération spéciale de Poutine a commencé. Donc c'est pour ça que c'est un pays qui revient un petit peu, qui revient et qui essaye de renouer avec ce qui était anciennement les amis de la Corée. C'est le grand-père de Kim qui a fait face aux Américains et qui était très ami avec beaucoup de pays africains. Là, on parle du Burkina, mais c'est le Mali également, l'Algérie aussi. C'était des pays qui étaient proches de la Corée du Nord. Aujourd'hui, ils essayent de s'ouvrir, mais les Africains aussi essayent de se réaffirmer et de s'ouvrir vers d'autres pôles. Mais concernant le Burkina, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina essaye de s'affirmer aussi, d'affirmer sa souveraineté. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne veut plus être à la commande des États-Unis ou de la France. Mais un pays qui essaye de trouver sa place, qui essaye aussi d'avoir d'autres alliances, tout en affrontant ce monde unipolaire qui, je viens de le dire, qui s'est effondré. Donc le Burkina essaye de faire partie de ce nouveau monde qui s'est dessiné. Donc à chaque pays, on voit bien la Libye qui se stabilise un peu, qui va vers un vote, la Tunisie qui refuse tout ce que l'FMI a a demandé, a voulu imposer pour avoir un crédit. Il y a l'Algérie, ce que mon frère Diawara a dit, a augmenté son budget militaire pour d'autres ouvertures et d'autres alliances aussi militaires. Il y a le Mali qui s'ouvre aussi, non seulement à la Russie, mais à la Chine et puis à la Turquie et à l'Inde. Il y a tout ça qui est en train de se faire. Donc le Burkina a intérêt de trouver sa place dans ce nouveau monde, et c'est en allant vers d'autres horizons qui peut trouver sa place et qui peut s'affirmer. Surtout, ce que je remarque, c'est que les Africains, ils contre les États-Unis, ils contre les pays otaniens, ils contre les pays qui les ont colonisés, que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne, la France, l'Angleterre. Donc les pays africains sont en train de contrer tout ce système qui lui a fait beaucoup de mal. La Corée a subi, tout comme les pays africains, comme la Chine a subi, comme la Russie a subi. Donc il y a un monde qui est en train de se dessiner entre ceux qui ont fait du mal et ceux qui ont subi ce mal. Et je trouve que c'est une excellente chose, et ça peut apporter énormément au Burkina, d'autant plus que les pays voisins, chacun choisit son intérêt, l'intérêt de son pays. Chaque président essaye de s'ouvrir vers d'autres horizons. Donc ça peut. Et puis les alliances entre les pays, la confédération qui risque de se créer entre le Mali, la Guinée et le Burkina. Vu que chaque pays aura ses propres alliés, ça ne peut que donner de la force au Sahel, et ça ne peut que dégager tous ceux qui se sont installés là grâce à leurs alliés, les terroristes dans le Sahel, et le terrorisme, on peut l'éradiquer de cette manière. Nikema nous a rejoint, mais avant, on va prendre d'abord quelques appels des téléspectateurs. Déjà en ligne, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame Céleste. Des soucis certainement de liaison. On va rapidement prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y, parlez, on vous écoute. Bon, il faudra laisser le problème des Français là-bas. C'est des gens qui sont déjà maudits. Il faut voir Sarkozy maintenant. Quand Sarkozy marche là, est-ce que c'est un homme? Il faut laisser les problèmes des Français là, qu'on soit là, et s'occuper de l'Afrique. Ceux-là, c'est des présidents qui sont morts déjà. Kadhafi n'a pas dormi. Kadhafi est contre eux et Dieu va l'aider à les annuler. C'est des maudits, il faut les laisser. C'est des maudits, il faut les laisser. C'est vrai. Vous rappelez qu'avant de nous appeler, baissez complètement le volume de votre poste récepteur pour qu'on puisse véritablement écouter et comprendre ce que vous avez à nous dire donc concernant le sujet du jour. Quand vous nous appelez et que vous savez que vous êtes à l'antenne, veuillez complètement arrêter le volume de votre poste récepteur. On va prendre rapidement un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Céleste, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, bonsoir. Bonsoir, merci pour le travail que vous faites. Bonsoir Linda, bonsoir Issa Diawara. Renouer la coopération avec la Corée du Nord, c'est une très très bonne chose pour le Burkina. D'entrée de jeu, je m'en vais et parler aux politiciens burkinabés. Nous apprenons que l'UE, l'ambassadeur de l'UE au Burkina, met à la disposition du Burkina plus de 15 millions d'euros pour les élections. Est-ce que actuellement, le Burkina cherche un président? Qu'est-ce que le Burkina cherche? Le Burkina cherche sa stabilité, la sécurité nationale. Maintenant, l'UE offre 15 millions pour les élections. Ne soyez pas manipulés par l'argent. C'est comme ça qu'ils opèrent toujours. Au même moment, au Bénin, on fait des bombes artisanales pour commencer par semer la peur dans la population au nord du Bénin, alors que le Niger est rempli de bases militaires occidentales. Que le Bénin, qui, autant de quoi avait renoué avec le nord, du Corée, passe à cela. Si vous travaillez pour les intérêts des Européens, on va vous noyer. Ils vont vous noyer. Alors le Burkina est sur le bon chemin. Pensez à votre intérêt. Ne faites pas cas de ces Occidentaux. Oubliez-les. C'est des menteurs. C'est des manipulateurs. Ces Occidentaux. Ils vont vous trahir comme ils le font jusqu'à présent. Ils ont tué Isidore Thomas Sankara. En utilisant Blaise Compaoré, lui doit parler avant de mourir. Alors, Burkinabé, réveillez-vous. Chassez ces Occidentaux dans votre pays. Il faut les bloquer par tous les moyens. Ne vous laissez pas manipuler. Avancez. Vous avez dit qu'il n'y a plus de frontières entre le Mali et le Burkina. C'est une très bonne chose. Vous allez former une entité vraiment très forte pour pouvoir noyer ces Occidentaux qui se préparent au Niger pour brûler la région. Mais n'ayez pas peur. Ils ont leur armée très forte, mais ils vont se noyer eux-mêmes. Ils vont se noyer parce que nous sommes sur nos terres. Nous avons le droit divin d'exister. Alors, c'est une très bonne chose la coopération. Avancez seulement au large. Actuellement, travaillez pour votre sécurité et non pour les élections. Que ces politiciens, politicards, se méfient beaucoup. Nous savons que vous avez vos enfants à Paris qui ont besoin de l'argent. Cessez de faire ça. Ça n'aboutit à rien, ce que vous faites là. Que Dieu bénisse, sommes en guerre. Merci. Merci également à vous, Jean Sapolo. Les standards, ils sont ouverts. Vous pouvez donc nous appeler pour participer à cette édition d'appel sur le continent. Nous parlons bien sûr de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et bien sûr la Corée du Nord. Déjà un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Ok, c'est le pasteur Wangé au Cameroun. Je vous dis que je vous salue et je respecte Afrique Média. Quand je me rends compte que la maudite France avait tué Modibo Keïta du Mali, j'ai seulement les larmes aussi. Il ne faut même pas bavarder, il faut que les Africains s'élèvent. Comment un seul homme pour bouter ce prédateur à l'est. Mais il vient de faire quoi en Afrique? C'est pas pour libérer, c'est pour nous détruire. Quand je vois tout ce que la France a fait au Cameroun, c'est déplorable. Et ce sont des bandits, ce sont des prédateurs. Nous devons dire non. Et que chère maman, que Dieu vous bénisse et bénisse l'Afrique Média. Que Dieu vous bénisse également, pasteur. Merci de nous avoir donc appelés. Les standards, ils sont ouverts. Pas d'appel vidéo, s'il vous plaît. Pas d'appel vidéo. Uniquement les appels WhatsApp direct. Pas de vidéo sur le sujet du jour concernant, bien sûr, le Burkina Faso et sa reprise des relations bilatérales avec la Corée du Nord. Un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, moi, je viens pour demander après Kofi Idaho de la Côte d'Ivoire. Kofi Idaho de la Côte d'Ivoire, de Luc Nestor. Après Kofi Idaho. Nestor. Avec la dame qui a essayé de nous appeler, on va rapidement prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Bonsoir. Ok, merci beaucoup, merci. Et pourquoi que les gens changent de terme, les termes là. J'ai entendu mon frère là, Agaora, que j'écoute scrupuleusement. Il est aussi, je l'écoute tous les jours. Et tous les épisodes de la semaine. il tente de terme. Là, il a dit la France elle, a échoué. La France n'a jamais échoué. La ministre, toutes les autres qui viennent intégrer l'armée, n'ont jamais échoué. Parce que quelqu'un qui est venu pour échouer, s'il échoue, il n'a pas échoué. Ils ne sont pas venus pour gagner. Donc, ce n'est pas un échec. C'est un échec pour le peuple africain. Mais c'est, pour eux, ce n'est pas un échec. Il faut qu'ils comprennent. Ils n'ont jamais, jamais, les organisations qui viennent pour intervenir, ils n'ont jamais échoué. Le terme-là, il faut le sens d'expression. C'est le peuple africain qui a échoué, mais eux, ils n'ont jamais échoué. Celui qui va en examen, et il est parti pour échouer. S'il échoue, ce n'est pas un échec. C'est donc... C'est donc coupé avec cet espectateur. On va prendre un autre rapidement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Afrique Média. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Rapidement. Je crois que c'est une très bonne chose que la Corée du Nord soit au Burkina. Mon souhait est que cet ambassadeur qui sera accrédité là-bas au Burkina retourner vers notre invité. Il s'agit de Salif Nikema, activiste politique du côté du Burkina Faso. Bonsoir Salif, vous étiez déjà là pour parler du soutien ou alors de la solidarité du peuple burkinabé à son président de la transition. Et donc aujourd'hui, on parle déjà des actes forts posés par le chef de la transition à travers la reprise des relations bilatérales avec la Corée du Nord, le Burkina Faso qui a besoin d'armes, notamment pour les 50 000 volontaires pour la patrie récemment recrutés. Et donc la France et l'Occident ont refusé de financer des armes pour ces supplétifs civils, alors que la Corée du Nord dispose, on le dira Salif, d'une industrie d'armement plus qu'importante. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette coopération bilatérale? On nous fait savoir que Salif n'est plus avec nous. Alors, Linda Larbaoui, on revient vers vous. Alors, comment comprendre, selon vous, cet intérêt grandissant de la Chine et même de la Corée du Nord, du moins de l'Asie vis-à-vis de l'Afrique? Il y a de cela quelques jours, c'est Pékin qui a envoyé donc un important don d'équipement du côté du Mali, et cette fois c'est la Corée du Nord qui est prête à soutenir donc le Burkina Faso. Tous ont le même but, lutter contre le terrorisme. Il y a lutter contre le terrorisme, et le terrorisme, c'est la meilleure des armes du néocolonialisme. Quand la Confédération a été créée en 1928, c'était après les South Beko et la balkanisation des pays du Golfe et des pays du Moyen-Orient. Donc c'était pour contrer les Arabes et pour aller justement vers une domination totale de la mer Rouge et de la mer Méditerranée. La mer Rouge, donc l'Afrique est concernée également, et puis la mer Méditerranée c'est pareil. Le continent africain, nous avons les principaux axes maritimes, ils concernent l'Afrique. Vous avez le Maroc vers Gibraltar. Donc, il y a l'entrée de la Méditerranée, la sortie de la Méditerranée, c'est l'Égypte, le canal de Suez, et puis tout en bas, nous avons la Somalie qui est juste face à Bab el Mandeb. C'est ça les principaux axes maritimes, et en dominant la mer Méditerranée et la mer Rouge, en réalité, c'est ça qui a donné la force aux États-Unis, puisque c'est par là que les États-Unis ont réussi à dominer l'Indo-Pacifique et l'Atlantique. Donc, l'axe est très important. Les Chinois, aujourd'hui, sont pleins construction de ce qui est la route de la soie, et la route de la soie ne fait que contrer justement les États-Unis et la domination des axes maritimes et les États-Unis qui empêchent le monde de commercer. Les Russes également de leur côté, dans les pays du Caucase, avec l'Iran et la Turquie, ils sont rentrés dans le jeu de la route de la soie. Et tout ça, c'est pour casser l'hégémonie occidentale, les États-Unis et leurs alliés. Ça va permettre à l'Afrique de s'émanciper, puisque le commerce... vous savez, en Afrique, on trouve pas mal de produits chinois qui proviennent de l'Europe en réalité. On nous oblige à les acheter aux Européens, alors que eux-mêmes les achètent à la Chine. Alors, autant s'adresser au bon Dieu, casser ça. Et c'est ça que les Chinois veulent casser, les Russes veulent casser. La Corée du Nord aussi a été isolée, ce que je disais tout à l'heure. C'est le seul pays qui est resté en dehors de cette hégémonie américaine et ce monde unipolaire. La Corée du Nord s'est développée toute seule grâce à ses deux alliés, la Chine et la Russie. Tout ce qu'elle fait, c'est un pays qui se suffit à lui-même. Mais ça, il a sa propre internet qui est complètement différent de ce que nous connaissons nous. Ils ont leur propre téléphone, ils refusent l'espionnage, ils refusent tout ce qui est nourriture qui vient de l'extérieur, les habits extérieurs. Donc c'est un pays modèle, réellement un pays modèle qui a pu prouver qu'avec toutes les sanctions, et même en l'isolant de cette manière, c'est un pays qui arrive à s'en sortir, où les gens mangent à leur faim. Il n'y a pas de pauvres. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et ce pays nous donne une leçon. Donc aujourd'hui, ces pays qui s'ouvrent vers l'Afrique, c'est parce qu'ils trouvent des alliés. Ils trouvent des alliés sincères. Il y a pas mal de gouvernements africains qui sont sincères, ayant travaillé avec la Chine, l'Inde a porté énormément. C'est le quatrième pays qui en prie. Donc aujourd'hui, entre nous, il y a un monde qui se dessine loin de l'Occident, et c'est l'Occident qui est en train de s'isoler. Ça, il faut le souligner. L'Occident n'a pas d'énergie, n'a aucune richesse. L'Occident est complètement vassal aux États-Unis, donc aux pays qui les commandent. L'Occident fait beaucoup de mal à l'Afrique. Il continue à faire mal. Pour contrer ce mal et pour que le continent puisse s'ouvrir, il faut des investissements, il faut un rapprochement. Pas uniquement de la Chine et de la Russie, mais tous les pays qui refusent le néocolonialisme. Nous l'avons bien vu il y a à peu près 6 mois, en réunion aux Nations Unies, ou je ne sais plus c'était quand exactement. En tous les cas, il y a le premier ministre indien, quand les Anglais se sont adressés à lui et les Américains pour dire il faut aller contre les Russes, et ben le premier ministre indien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, quand c'est un problème qui concerne les États-Unis, c'est un problème qui concerne le monde entier. Mais quand c'est un problème qui concerne un pays autre, et ben là, le pays autre, il faut qu'il se débrouille tout seul. Le problème que vous avez avec la Russie n'est pas le nôtre. Et il a refusé justement d'arrêter d'acheter du gaz russe et d'arrêter d'acheter du pétrole russe sous peine de sanctions. L'Inde a refusé. Donc il y a ce monde-là qui a été colonisé, qui a été pillé, qui a été vassalisé, qui a été... L'Occident a été jusqu'à l'esclavagisme avec tout le reste du monde, et même en 48, quand les Nations Unies se sont créées, à partir de 1945, jusqu'en 48, quand ils ont établi leurs lois, eh ben, les lois internationales les concernent eux, ça ne concerne pas nous, puisque nous sommes considérés et jusqu'à présent comme des tiers-mondistes. Donc contre pays du tiers-monde, et ça si ils m'écoutent, et ben il faut qu'ils le comprennent bien, donc contre pays du tiers-monde, on essaye de dessiner un monde pour nous, un monde où on se respecte, où ce sont des relations d'égal à égal qui sont établies, où il n'y a pas de poids et de mesure. ou quand on veut des investissements, eh ben les investissements ne se font pas au détriment d'un autre pays. Prenons le cas du Nigeria, par exemple, qui ne possède pas une seule raffinerie. C'est pas parce que le Nigeria ne veut pas construire une raffinerie ou investir dans une raffinerie. C'est parce que les États-Unis refusent. Ils refusent que des pays africains, justement, soient autonomes. Tous les pays africains. Pas uniquement le Nigeria ou même l'Algérie, il y a eu énormément de problèmes avec l'Algérie, c'est un bras de fer depuis l'indépendance. Concernant les autres pays africains aussi, les Algériens ont un peu réussi leur coup parce qu'il y a une très forte diaspora à l'étranger qui dépasse les 10 millions et c'est énorme. Donc c'est ça qui a fait que l'Algérie a réussi à avancer. Et la diaspora est très présente. Le 19 mars, nous sommes sortis, il y a eu une manif qui était assez importante à Paris pour soutenir notre État et pour soutenir aussi les pays sahéliens qui luttent contre le terrorisme. Ça n'a pas été dit dans les médias français ni dans les médias occidentaux, mais bon, on s'en fiche, ils nous ont quand même vus, nous étions là. Ça donne une force. Il faut que l'Africain continue à aller dans ce sens-là. Il faut qu'on multiplie nos accords, qu'on multiplie les pays des pays amis aussi, des pays partenaires. Il faut pas s'arrêter à un seul partenaire non plus pour ne pas tomber dans ce qu'ont fait les États-Unis. Ils se sont retrouvés seuls à régner. Donc le Burkina est en train d'aller dans ce sens. Le Mali aussi est en train d'aller dans ce sens. Et puis je pense que ça peut nous apporter que du bon. Je vais signaler une chose. Monsieur là, l'intervenant avait parlé de 15 millions de dollars. Et bah, les États-Unis ont investi 150 millions de dollars, une aide pour le Niger, et 300 millions de dollars juste pour construire une base, encore une sixième base américaine. Une autre chose, au mois d'octobre de l'année dernière, il y a le clergé des frères musulmans, soi-disant les frères terroristes, qui est décédé à Londres. Il a laissé sur son compte courant 300 millions de livres sterling, sur son compte courant uniquement. Alors, on donne à des chefs terroristes des millions de dollars et on veut imposer des présidents, on veut imposer des lois à des pays africains comme le Burkina, comme l'Algérie, comme le Mali, comme le Nigeria. On veut leur imposer des présidents ou une politique ou les LGBT avec des histoires de 10, 15, 20 millions de dollars, même 150 millions de dollars. C'est ça la politique des États-Unis et de leurs alliés. Et merci. Merci également à vous, Linda Larbaoui. On se retourne vers Issa Djawara. Est-ce que l'Asie ne risque pas, elle aussi, de se mettre à dos l'Occident et aussi les États-Unis, comme on le vit actuellement avec la Russie, qui est vue d'un mauvais œil par ces derniers, du fait qu'elle a décidé, elle aussi, d'ouvrir les yeux des Africains, de venir en Afrique pour préparer, pour faire entrer véritablement les gouvernements dans l'indépendance. Alors est-ce que véritablement, tel que je l'ai dit, la Chine, la Corée du Nord, pour les citer, ne risque pas de se mettre à dos l'Occident ou même les États-Unis? Merci, madame. La Chine, la Corée du Nord, c'est pas se mettre l'Occident dans leur dos, c'est déjà le cas. Et cela n'a jamais cessé, nous ne devons pas qu'à l'avenir, c'est le fait. Il n'y a pas un accord de paix entre les deux. Donc, je ne pense pas, s'il doit arriver quelque chose de pire entre les États-Unis et les États dont vous venez de citer, c'est une autre guerre à l'échelle mondiale. Sinon, il y a déjà eu toutes les petites guerres, toutes autres. C'était des va-et-vient. Souvent les États-Unis à l'offensive, souvent les Nord-Coréens et les Chinois à l'offensive, et beaucoup ne le savent pas, hein. Peut-être beaucoup ne le savent pas, Sinon, la Chine et les États-Unis se sont affrontés militairement en Corée du Nord. Ça, c'est un point important qu'il faut surtout souligner. Il y a eu des violents combats entre les deux puissances en Corée du Nord. Maintenant, l'Asie, d'abord, quand vous parlez de l'Asie, c'est un très grand continent. L'Asie, vous avez, il y a peut-être qu'en Afrique, il y a des pays qui ne se sont pas véritablement décidés. Des pays qui veulent, en tout cas, être, se retrouver du côté, en tout cas, des deux côtés. Et cela n'est plus possible dans ce monde. Vous faites un choix et puis vous vous assumez. Il faut assumer votre choix. Et n'importe quel pays en Asie aujourd'hui connaît son allié, connaît son ennemi. Ça, c'est très clair. Peut-être il n'y a qu'en Afrique que les gens, il y a un peu de divergence. Et là encore, cela est en train de prendre fin. Peut-être, il y a même un appel à peut-être qui n'a pas bien compris l'exposé. Quand on dit la France est en train d'échouer, il faudrait voir le plan initial de la France. Le plan de la France n'est pas de se faire remplacer par des Américains, voire aujourd'hui des États comme le Mali, le Burkina, alliés à la Russie, à la Chine et à d'autres puissances. Et sinon, à quoi aurait servi l'assassinat de Thomas Sankara? À quoi cela aurait servi l'assassinat, bien sûr, de Modibo Keïta? C'est dire que le fait que les Occidentaux sont venus annexer l'Afrique, c'est ça l'échec de l'Afrique, mais faisons attention. Même la France a été annexée par l'Allemagne. Et dans l'existence humaine, dans la vie de tous les jours, et nous sommes soumis souvent à certains duels. Et il s'agit de guerres, ça arrive à certains moments. Beaucoup ne le savent pas, mais l'Afrique a colonisé l'Europe par le passé. Et les États africains ont occupé une grande partie de l'Europe au moment où la France n'était pas encore considérée comme un royaume. Ça, c'est une histoire très importante qu'il faut souligner. Donc, il n'est pas dit que l'Europe est venue nous occuper un bon matin. Les Africains, depuis leur création, ont tout endormi. Non, c'est pas vrai. Et tout ce qu'on appelle les grandes religions, les grandes civilisations sont africaines. Les grandes conquêtes sont africaines. C'est très important. Les grandes richesses sont évidemment africaines. Mais à la différence des Européens, nous ne les avons pas occupées de façon barbare ou sauvage. Parce que quand je dis les occuper, il s'agit des terres actuellement qui revendiquent l'Europe. Autrefois, ces terres appartenaient aux Noirs. Ce n'étaient pas des terres qui appartenaient aux Blancs. Bref, ça c'est un long débat qui ne figure pas à l'heure du jour. Madame, juste pour vous dire que tous les pays qui doivent avoir les États-Unis dans leur dos ont déjà les États-Unis dans leur dos. Il n'y a pas de nouveau. Et les États essaient de s'affirmer tout simplement. Regardez le président de Burkina qui est arrivé à la trempe, en tout cas de l'âge que peut-être Thomas nous a laissé un peu nostalgique. Et il arrive au pouvoir à 34 ans, Ibrahim Traoré. Il a qui pour modèle? C'est Thomas Sankara. Et quand on vous dit que c'est en 85 que la Corée du Nord avait fait un important don des matériels, bien sûr, au Burkina Faso. N'oubliez pas, 85 correspond à quoi? C'est l'année où Thomas Sankara était encore tout puissant à la tête du Burkina Faso. Et c'est l'année où le Burkina Faso a eu une guerre face au Mali de Moussa Traoré. Moussa Traoré, que la France avait fait venir au pouvoir en écartant Modibo Keïta. Moussa Traoré, bien sûr, que Oufouet Boigny et la France ont travaillé, bien sûr, et Senghor à faire venir au pouvoir au Mali. Il s'agit de l'histoire de l'Afrique, c'est très important. Et il y a eu cette guerre entre le Mali, le Burkina. Le Mali était superment armé. Poussait l'armée du Burkina à faire même la guérilla. Mais Thomas Sankara, il a résisté avec les populations du Burkina. Et c'est en ce moment que vous voyez que des États comme la Corée du Nord sont venus faire des dons gratuitement du matériel. Et avant cela, quand le Mali était du côté des Nations soviétiques encore, avant que Moussa, un lieutenant, que la France a fait venir au pouvoir ici, comme aujourd'hui, la France amène Ouattara au pouvoir, mais c'était un peu comme ça. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina ont la chance d'avoir à leur tête deux officiers qui sont loin de la politique occidentale, deux officiers qui se rapprochent, en tout cas, des raisons de l'assassinat et de Modibo Keïta et de Thomas Sankara. Voici comment l'histoire elle est souvent aussi belle. La France n'avait pas vu ça venir, ça c'est un échec puissant. On a tout fait, on a opposé le Mali au Burkina. Aujourd'hui, les deux pays sont alliés. Le président de Burkina l'a dit, il n'y a même presque plus de frontières. Vous avez affaire à un État presque fédéral. Il s'agit d'une confédération entre le Mali et le Burkina, qui ne dit pas son nom. Et la Guinée de Sékou Touré aussi, qui est adossée à ces pays. Et j'ose espérer que d'autres États de l'Afrique de l'Ouest vont rejoindre rapidement. Hormis cette base de l'OTAN aujourd'hui renforcée, du côté du Niger, Linda a bien fait de préciser que les États-Unis sont en train de constituer une très grande base à hauteur de plus de $300 millions, du côté du Niger. Ça, c'est une épine qu'on vient mettre dans la révolution africaine. Donc, et les États-Unis, de toute façon, les touristes, une chose est sûre, on pouvait rester 100 ans à attendre des armes de la part des Occidentaux, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que ceux qui fabriquent les touristes, madame, ne peuvent pas vous vendre des armes qui ne sont pas les touristes. C'est simple. Qui fabrique les touristes? Et pour qui on fabrique les touristes? C'est dans quel intérêt? C'est quoi la géopolitique du tourisme? Donc si on se fait une leçon là-dessus, nous allons facilement comprendre que ceux qui fabriquent les touristes, ceux qui créent ces maladies, malheureusement, ne sont pas des gens qui ont la solution. Il faut aller vers d'autres partenaires qui ne sont rien dans la création du tourisme. Ce sont de tels partenaires qui peuvent nous aider à combattre le terrorisme. Sans cela, madame, on aurait passé 1000 ans encore allés à l'Occident. On ne va jamais arriver à bout du terrorisme. Et d'ailleurs, comme la France l'a toujours fait, n'oubliez pas, en Afrique, des rebelles ont fait des choix de président. Ici, donc ça allait être le cas. C'est-à-dire quoi? Les terroristes peuvent démettre qui ils veulent du pouvoir et peuvent installer qui ils veulent du pouvoir. C'était ça. Et derrière les terroristes, vous avez les multinationales. Les multinationales pilotées par qui? Par l'homme politique, les hommes politiques qui dirigent l'Occident. Et évidemment, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait faire aussi une leçon sur la géopolitique du tourisme, savoir c'est quoi leur origine, c'est quoi le point de départ, qui les finance, quelles sont les différentes formes que le tourisme a pris jusqu'à présent, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les États ne se cachent même plus dans leur soutien à ces terroristes. C'est vrai qu'auparavant, peut-être, il y avait une forme un peu indiscrète, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les États s'affichent presque ouvertement, affichent même leur soutien aux terroristes en faisant acquiser des armées régulières qui combattent le terrorisme de tous les maux de la planète, juste bien sûr pour essayer de favoriser les terroristes, et en imposant même des embargos. Regardez ce qui se passe du côté de la Centrafrique. Et dans cette histoire, il faudrait que les Africains travaillent à se retrouver, construire une unité forte de l'Afrique et bien sûr pour peser lourd dans la géopolitique internationale. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je le répète, il y a un basculement de l'ordre mondial et l'Afrique ne doit pas rester à marge. L'Afrique ne doit pas rester dire que voici un tel partenaire est fiable ou un tel partenaire n'est pas fiable. Non, il faut imposer la fiabilité à son partenaire. Il faut imposer le respect à son partenaire. Et cela, vous ne pourrez pas le faire quand vous êtes faible. Vous ne pourrez pas le faire quand vous comportez en mendiant. Vous ne pourrez le faire quand vous serez fort, quand vous travaillez à être fort. Et si vous êtes fort, on va vous respecter pour ne pas rester des éternels assistés. L'Afrique doit travailler à peser lourd dans le nouvel ordre mondial. Parce que à quoi j'assiste, les BRICS et autres, en réalité, c'est la fin de l'ONU. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est le début de la fin du système onusien. Et nous sommes en train d'aller vers autre chose, même s'ils ne dissoutent pas, ils ne vont pas dissoudre l'ONU peut-être, mais il y aura d'autres organes à côté, des organes parallèles, bien sûr, qui vont essayer d'affaiblir davantage l'ONU, vider l'ONU de sa substance. Et c'est là, si les BRICS ont été créés, qu'est-ce qui empêche des États qui sont en train de se libérer en Afrique, tel le Mali, tel l'Éthiopie, il faut le dire, tel le Burkina, tels le Burundi ou d'autres pays africains, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de créer quelque chose au niveau de l'Afrique, telle la Centrafrique? Il faut commencer toujours par quelque chose. On commence par un, ensuite ça serait deux, ça serait trois, ça serait quatre, et on serait à peu près 54. Nous allons peut-être réoccuper l'Afrique dans son ensemble. Et l'Afrique est en train de nous échapper. Madame, pour moi, il faut travailler à ce que l'Afrique ne soit pas en retard dans le nouvel ordre mondial. Il faut qu'on arrive en force. Il ne faut pas qu'on nous appelle, qu'on nous mette des damnements. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne peuvent rien sans nous. Et sans cela, il faut que nous soyons forts. Si nous ne sommes pas forts, malheureusement, tout va se décider sans nous. Merci. Merci également à vous, Issa Diawara. Afrique Média, le monde, c'est nous.